Voilà B, quartier légendaire. 9-4-500. L'émeute. Et nous c'est Black Dimas. 645. DDM, Rouge Mi. C'est dangereux. Comme Latino de la H ou NDA. 400 yens. Souviens-toi de nos ruelles comme une putain de légende. Ici bas, balle dans le crâne, on visera pas les jambes. Soudé au bloc, et pour mourir, du mal à sourire. J'ai mis ma race et du C4 dans cette putain de serrure. Petit, prends la relève, faut faire du sale ici. Prends tes couilles en cul de Tony, t'es nu comme une péritonie. Quartier de bonhomme, terrifiant comme un corse d'Andine. Maïra, j'ai bandit, bois la baie, ma putain de ville. Bois la baie, boy, c'est bleu comme les Crips, rouge comme les Bloods, blanc comme la drogue. Faut que les flux c'est les thugs, du shit et des guns. Victime de la mode, quand on vit c'est la mort. À notre époque c'est du business. Tu connais le refrain, c'est instinct animal, africain, Maroc, Sénégal, sombre. Capuche musulmane jusqu'à la tombe. Bois la paix, c'est plus 10 000 habitants qui craquent. Pourtant que les momies de braque, les genoux vont de la coke. Car les anciens trafiquent plus en bas des tours. Trop cramé, j'ai les bourgs et les procès en cours. Rigueur, tout mon vieux, c'est 50 millions de dollars en cash. Y'a même des darons qui sont prêts à faire des millions de passes. Fais gaffe à toi si t'es friqué. J'ai le plan et j'grince des dents en attendant mes petits vont te niquer. BLB, qui viennent nous raquer notre blé. L'été c'est la bœuf, la meme, demande à Pi. On la bique grave et fait gaffe au coup de fil. Piste dans le milieu, pour des thunes, chacun sa poire. Faut pas croire, c'est le bois négro. Le 9-4, les autres on s'en tape. Parce qu'on veut le 4-4, la baraque, une blonde à 4 pattes. Putain de sang, yeah. Quitte à crever comme Albat. Fuck la bas. Voilà, Hey yo, laisse faire le QI. Prends ton cap, c'est fui. On provoque la buée. Quand t'arrives la nuit, tes dièses, gaises, pèsent. Le flingue à droite caresse. Sors ta meilleure table car on est 16 comme Louis. BL, réel, orgie dans un GL. Baggy BC, Dougie dur en attendant qu'elle dégèle. L'ouvre, puis l'absorbe. Cours car on tape fort. Barre-toi de là si on est sous et que t'es un homme sort. Bois, ce qu'il est devenu, une usine à tête pensante. La lumière veut qu'on transcende dans la sombreur. Ça prépare sa retraite en retrait. L'histoire se répète dans le bois, rien n'est prévu. Faut servir, ceux qu'on feint ne se privent pas. La lumière orange mécanique le soir, du carré au square, teinte les peaux. Et ton croc, on bosse le vent de plan pour esquiver le dépôt. Sang sur la tempe, du crime dans le boss. Rapo mon ghetto, négro full camp, c'est fort que les flics. Le poète brise dans le bloc, les petits tiennes ont pris les armes. Soit une tuerie bonhomme, fout la merde pour les jeunes qui poussent. Sa mère fout la merde pour les jeunes qui tournent. La hyène, le poids, la paix, ma patrie, ma vie. Ma famille, une putain de balle dans la tête, négro, feu sur ta vie. L'environnement gore est macabre, le rap sorti de la cave. Et si ça fait du sale, y'a trop de cadavres, c'est le désastre. L'atmosphère est palpable, c'est trop tard. Mais Inch'Allah qu'on plante le but en or, qu'on ramasse l'Oscar. Obscur et hostile est le décor. Pour la V9-4 c'est sanglant. Smika ça c'est trop gore. PLA c'est toute ma vie frère. Faudrait m'arracher le cœur pour m'enlever ma putain de fierté. Réalimenter le réseau, l'orgueil c'est pas le talent. Mais bien au contraire avoir perdu la raison. Mélange pas les femmes pures et les tasses. Un cocktail c'est l'extase, dans les rêves c'est l'extar. La coke a pris les devants dans les clubs. Le contexte est trop de thug, des embrouilles comme les Crips et les Bloods. Le bois tu le goûtes, créditeur mange le bitume. C'est ce qui en coûte on fume car chez nous c'est la coutume. Fuck la bas. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, vo